true love will find you in the end. De Christiane Albert, en collaboration avec Anna Soleil Trigvadottir. Traduit du suédois par Camilla Boucher. Avec les élèves du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, promotion 2014. Musique originale, Seyset. Je t'aimais parce que tu étais unique. Je t'aimais parce que tu étais drôle. Je t'aimais parce que tu n'étais pas comme les autres. Je t'aimais parce que tu étais sérieux. Je t'aimais parce que tu avais de si jolis ongles. Je t'aimais parce que tu ne parlais jamais de l'avenir. Je t'aimais parce que tu voyais ma personne entière. Je t'aimais, toi, et tes bouquins. Je t'aimais parce que tu étais tellement inconscient de ton corps. Je t'aimais parce que tu étais imberbe. Je t'aimais parce que tu adorais les animaux. Je t'aimais parce qu'on était fait l'un pour l'autre. Je t'aimais parce que la seule personne qui comptait pour toi, c'était moi. Je t'aimais parce que tu t'endormais toujours avant moi. Je t'aimais parce que tu m'aimais. Je t'aimais parce que tu aimais bien être seul. Je t'aimais pour tes promesses. Je t'aimais toi et ton appartement. Je t'aimais toi et ton chien. Je t'aimais toi et les fleurs que tu m'as données. Je t'aimais toi et les films que tu avais chez toi. Je t'aimais toi et tes mots. Je t'aimais toi et ton défaut d'élocution. Je t'aimais toi et ta bouche. Je t'aimais toi et ton rire. Je t'aimais toi et tes projets. Je t'aimais toi et ton sourire. Je t'aimais toi et tes principes. Je t'aimais toi et ta vision de l'amitié, du couple et de la critique constructive. Je t'aimais toi et ton sérieux. Je t'aimais toi et ton sérieux. Je t'aimais toi et ta cuisine. Je t'aimais toi et tes expressions. Je t'aimais toi et ta manière de tout prendre au pied de la lettre. Tu m'as dit que tu croyais en l'amour. Tu m'as dit que tu voulais partir à Birmingham. Tu m'as dit que tu croyais en l'amour. Tu m'as dit que tu étais bourré et que ça voulait rien dire. Tu m'as dit que tu croyais en l'amour. Tu m'as dit que tu voulais avoir une maison à la campagne. Tu m'as dit que tu croyais en l'amour. Tu m'as dit que tu avais passé une soirée incroyable. Tu m'as dit que tu croyais en l'amour. Tu m'as dit que tu aimais les lasagnes. Tu m'as dit que tu adorais le sexe oral. Tu m'as dit que tu m'aimerais toujours. Tu m'as dit que tu aimerais avoir un chat. Tu m'as dit que tu étais quelqu'un qui brisait les cœurs. Tu m'as dit que tu avais changé d'avis. Tu m'as dit que tu trouvais ça difficile de dire je t'aime. Tu m'as dit que tu n'avais jamais cessé de m'aimer. Tu m'as dit que tu n'étais jamais allé à Paris. Tu m'as dit que tu trouvais mes raisonnements intéressants. Tu m'as dit que tu avais pleuré quand je t'avais lu ce poème. Tu m'as dit que tu voulais faire l'amour dans un train. Tu m'as dit que tu nettoierais les toilettes aujourd'hui. Tu m'as dit que tu voulais avoir une relation superficielle. Tu m'as dit que c'était inacceptable que je m'en aille en courant quand on s'engueulait. Tu m'as dit que c'était toujours moi qui décidais de qui aurait le dernier mot. Tu m'as dit que tu en avais marre de mes pardons. Tu m'as dit que tu voulais faire quelque chose de ta vie. Tu Tu m'as dit que tu voulais être libre. Tu m'as dit que tu avais hâte qu'on soit vieux. Tu m'as dit que tu n'avais jamais rencontré quelqu'un comme moi. Tu m'as dit que tu connaissais tout le monde ici. Tu m'as dit que tu aimais Roy Orbison. Tu m'as dit que tu m'attendrais dans la voiture. Tu m'as dit que tu avais hâte de vieillir avec moi. Tu m'as dit que tu n'avais jamais été amoureuse de moi. Tu m'as dit que tu avais l'impression que je t'empêchais de vivre. Tu m'as dit que tu avais tellement hâte que j'arrive chez toi, que ça te faisait mal. Tu m'as dit que tu aimais rester allongée et ne rien faire. Tu m'as dit que tu avais peur. Tu m'as dit que tu adorais les vacances en tandem. Tu m'as dit que tu avais pensé à moi. Tu m'as dit que tu écrivais des poèmes. Tu m'as dit que tu trouvais qu'on était bien ensemble, qu'on allait bien ensemble. Que toi et moi, on était faits l'un pour l'autre. Mais que je ne le comprenais pas aussi bien que toi. Tu m'as dit que tu n'avais jamais visité Legoland. Tu m'as dit que tu avais regardé des vieilles photos de nous. Tu m'as dit que tu collectionnais les grenouilles. Tu m'as dit que tu avais relu des vieilles lettres. Tu m'as dit que c'était juste un baiser. Tu m'as dit que tu regrettais un tas de choses que tu m'avais dites. Tu m'as dit que tu n'avais aucune tolérance vis-à-vis de l'infidélité. Tu m'as dit que tu voulais avoir des enfants avec moi. Tu m'as dit que tu aimais me voir nue. Tu m'as dit que tu rêvais de stabilité dans ta vie. Tu m'as dit que tu avais mal à la tête. Tu m'as dit que tu en avais marre de tous ces mensonges. Tu m'as dit que tu lirais ce bouquin. Tu m'as dit que tu aimais trier les déchets. Tu m'as dit que tu te sentais humilié. Tu m'as dit que tu ne comprenais pas comment je pouvais m'en aller alors que tu étais si triste. Que tu avais l'impression que je ne m'intéressais pas à toi. Qu'il y avait toujours quelque chose de plus important. Tu m'as dit que tu avais peur de l'avenir. Que j'étais à nouveau très absente. Tu reconnaissais l'ambiance. Qu'on ne survivrait pas à ce genre de crise, encore une fois. Tu m'as dit que tu avais peur de devenir comme ton père. Tu m'as dit que tu pouvais devenir très violent quand tu buvais. Tu m'as dit que tu serais un bon père ado. Tu m'as dit que tu avais des relations compliquées avec ta mère. Tu m'as dit que tu étais resté accroupi contre le mur en pierre. Et que tu avais pleuré, tu m'as dit que désormais c'était seulement nous qui comptions, seulement toi et moi. Tu m'as dit que tu avais une maison en Italie, que tes parents avaient une maison d'été dans le nord de la Suède, qu'on irait là-bas pour être seuls tous les deux, et que tout s'arrangerait. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas faire l'amour aussi longtemps qu'avec moi. Tu m'as dit que tu pouvais pleurer en regardant des films romantiques. Tu m'as dit que mon cadeau t'avait fait plaisir. Tu m'as dit que tu mourrais si tu ne pouvais pas vivre avec moi. Tu m'as dit que tu avais eu une enfance heureuse. Tu m'as dit que tu voulais m'embrasser. Tu m'as dit que le foot, ça ne t'intéressait pas. Tu m'as dit que tu te suiciderais si je te quittais. Tu m'as dit que tu avais la main verte. Tu m'as dit que tu voulais partir loin. Tu m'as dit que tu savais jouer du piano. Tu m'as dit que tu adorais quand je faisais ça. Tu m'as dit que tu adorais quand je faisais ça. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas maîtriser l'amour ou le fait de tomber amoureux de quelqu'un. Tu m'as dit que tu avais besoin d'être seul pendant un temps. Tu m'as dit que tu rêvais d'une autre vie. Tu m'as dit que tu avais envie de baiser. Tu m'as dit que tu étais venu. Tu m'as dit que tu pendais. Tu m'as dit que tu voulais réaliser un documentaire sur moi. Tu m'as dit que tu me désirais. m'as dit de descendre la poubelle. Tu m'as dit que les relations, ça te faisait peur. Tu m'as dit que la première fois que tu m'avais vu, c'était sur le quai du train. Tu m'as dit que tu aimais le silence. Tu m'as dit que tu aimais le silence. Tu m'as dit que tu pouvais avoir n'importe qui. Tu m'as dit que ta vie était devenue tellement plus drôle depuis que tu m'avais rencontrée. Tu m'as dit que tu aimais le roquefort sur la pizza. Tu m'as dit que tu me montrerais la Suisse. Tu m'as dit que tu ne pensais à rien de spécial. Tu m'as dit que je te manquais. Tu m'as dit que tu aimais prendre l'avion. Tu m'as dit que tu en avais marre de faire l'amour. Tu m'as dit que tu avais reçu mon texto. Tu m'as dit que tu ne voudrais jamais te marier. Tu m'as dit que tu m'appellerais s'il y avait quoi que ce soit. Tu m'as dit que tu n'avais jamais connu de réel chagrin. Tu m'as dit que tu étais amoureux de moi. Tu m'as dit que tu pensais à moi chaque seconde. Tu m'as dit que tu rentrerais plus tard du boulot. Tu m'as dit que tu aimais ça quand je disparaissais sans rien dire. Tu m'as dit que tu n'aimais pas donner ou recevoir de compliments. Tu m'as dit que tu en avais marre de prendre toutes les initiatives. Tu m'as dit que tu avais besoin de temps pour toi. Tu m'as dit que tu prendrais juste une bière. Tu m'as dit que tu m'avais enlevé de tous tes albums photos. Tu m'as dit que tu avais lu tous mes textos. Tu m'as dit que tu aimais danser. Tu m'as dit que tu avais lu mes mails. Tu m'as dit que tu détestais mon papier peint en motif géométrique. Tu m'as dit que tu te demandais avec qui je parlais, avec qui je m'amusais autant. Tu m'as dit que tu avais peur quand je conduisais. Tu m'as dit que tu te demandais où j'étais. Tu m'as dit que tu te demandais comment je pouvais me songer à revenir là. Tu m'as dit que tu te demandais où j'étais. Tu m'as dit que je faisais des petites. Tu m'as dit que tu avais entendu qu'on sort d'une relation comme on y est entré. Tu m'as dit que je devais faire un choix. Tu m'as dit que je pouvais coucher avec qui je voulais. Tu m'as dit que je devais faire un choix. Tu m'as dit que j'avais de belles fossettes. Tu m'as dit que je te stressais. Tu m'as dit que j'étais unique. Tu m'as dit que tu me trouvais terriblement beau. Tu m'as dit que je ressemblais à Johnny Depp. Tu m'as dit que je voulais tout le temps te contrôler. Tu m'as dit que j'avais un accent sexy. Tu m'as dit que tu me trouvais beau, mais que c'était tout. Tu m'as dit que j'avais une belle voix. Tu m'as dit que j'étais tellement plus intelligente que toi. Tu m'as dit que mes amis étaient drôles. Tu m'as dit que tu me trouvais gênant. Tu m'as dit que je réveillais l'enfant en toi. Tu m'as dit que j'étais beau dans ce pull. Tu m'as dit que j'étais arrogant. Tu m'as dit que j'avais de beaux yeux. Tu m'as dit que j'étais grandiose. Tu m'as dit que je devais arrêter de m'énerver pour un rien. Tu m'as dit que je devais arrêter de m'énerver pour un rien. Tu m'as dit que j'étais. Tu m'as dit que j'étais tout pour toi. Tu m'as dit que j'étais ton seul ami. Tu m'as dit que j'étais ton seul ami. Tu m'as dit que j'étais grandiose. Tu m'as dit que tes meubles étaient amoureux des miens. Tu m'as dit que j'étais tout pour toi. Tu m'as dit que tes meubles étaient amoureux des miens. Tu m'as dit que j'étais du genre à tabasser tes ex si jamais on se retrouvait dans une bagarre. Tu m'as dit que j'étais tout pour toi. Tu m'as dit que j'étais ton seul ami. Tu m'as dit que j'étais naïve. Tu m'as dit que j'étais naïve. Tu m'as dit que mon papa était mignon. Tu m'as dit que j'étais ton Roméo. Tu m'as dit que j'étais ta Juliette. Tu m'as dit que mon papa était mignon. Tu m'as dit que j'étais ton seul amour. Tu m'as dit que le jaune m'allait. Je soupirais lourdement. Tu m'as dit que le jaune m'allait bien. Tu m'as dit que j'avais de jolis ongles. Tu m'as dit que je soupirais lourdement. Tu m'as dit que j'avais un côté sombre. Tu m'as dit que j'avais de jolis ongles. Tu m'as dit que ça te ferait plaisir que je t'accompagne chez toi. Tu m'as dit que j'étais ton seul amour. Tu m'as dit que j'étais du genre à tomber amoureuse de tout le monde. Tu m'as dit que ça te ferait plaisir que je t'accompagne. Tu m'as dit que je dansais incroyablement bien. Tu m'as dit que j'étais courageuse. Tu m'as dit que je me souvenais que de détails de merde. Tu m'as dit que j'étais courageuse. Tu m'as dit que j'étais tout pour toi. Tu m'as dit que j'étais courageuse. Que je dansais incroyable. J'étais grandiose. Que j'étais ta jolie. Tu m'as dit que je me souvenais que j'étais jolie. Tu m'as dit que tu m'as dit que j'avais de jolis yeux. Tu m'as dit que je me souvenais que de détails de merde. Tu m'as dit que j'étais ton seul amour. Tu m'as dit que j'étais du genre à tabasser les ex. Tu m'as dit que je me souvenais que j'étais tout. Tu m'as dit que je te détestais. Tu m'as dit que tu aimais bien ma manière de m'exprimer. Qu'avec moi, tout paraissait plus grand et important. Tu m'as dit que tu te sentais spéciale quand on se parlait. Tu m'as dit que ma peur de blesser les gens était insupportable. Que j'avais tout le temps peur de marcher sur les gens. Que la seule personne que j'osais blesser, c'était toi. Tu m'as dit de nous prendre au sérieux. Tu m'as dit que je te paraissais tellement absente. Tu m'as dit que je n'avais aucune distance par rapport à moi-même. Tu m'as dit de te dire s'il y avait un avenir pour nous deux. Tu m'as dit que j'avais beaucoup de mérite. Tu m'as dit que j'étais la seule personne intéressante de la soirée. Tu m'as dit que tu me trouvais attirante. Tu m'as dit que j'étais géniale. Tu m'as dit que je te gâchais la vie. Tu m'as dit que je devais arrêter de ressasser tout le temps les mêmes choses. Tu m'as dit de ne pas parler en mangeant. Tu m'as dit que je t'avais fait découvrir ce que la vie a de drôle. Tu m'as dit d'avaler. Tu m'as dit que je pouvais passer chez toi un moment. Tu m'as dit que ça te ferait plaisir que je vienne chez toi. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Tu m'as dit que je pouvais te tenir la main. Tu m'as dit que je te faisais du bien. Tu m'as dit que j'étais la seule personne qui te voyait vraiment. Tu m'as dit que je devrais écouter Bob Dylan. Tu m'as dit que j'avais lu ton journal intime. Tu m'as dit que je surinterprétais tout. Tu m'as dit de finir de manger et de payer l'addition. Tu m'as dit que je ne t'écoutais jamais. Tu m'as dit de ne pas poser autant de questions. Tu m'as dit que je pleurais pour un rien. Tu m'as dit d'arrêter de parler autant. Tu m'as dit que je savais tellement de choses. Tu m'as dit de ne pas rire si fort. Tu m'as dit que j'étais une sale pute. Tu m'as dit qu'on ne se séparerait jamais. Tu m'as dit qu'on était au-dessus des promesses et des contrats. Tu m'as dit qu'on était comme un film. Tu m'as dit qu'on ferait semblant de rien. Tu m'as dit qu'on resterait toujours amis. Tu m'as dit qu'on n'empêcherait jamais l'autre de faire ce qu'il voulait. Tu m'as dit qu'on était sortis ensemble le 6 avril. Tu m'as dit qu'on était sortis ensemble le 5 avril. Tu m'as dit qu'on était sortis ensemble le 7 avril. Tu m'as dit qu'on était sortis ensemble le 5 avril. Tu m'as dit qu'on était l'histoire d'amour du siècle. Tu m'as dit qu'on n'avait jamais été un couple. Tu m'as dit qu'on donnerait une nouvelle chance à notre couple. Tu m'as dit qu'on avait l'air si naïfs ensemble. Tu m'as dit qu'on se tirait vers le bas. Tu m'as dit qu'on voulait paraître tellement adulte. J'ai dit, ce n'est pas grave. J'ai dit, c'est tellement facile de tomber amoureux. J'ai dit, c'est la vie. J'ai dit, j'ai besoin de boire un café. J'ai dit, il y a ceux qui restent et il y a ceux qui partent. J'ai dit, j'ai besoin de fumer. J'ai dit, je n'ai aucun problème à dire je t'aime. J'ai dit, j'ai besoin de boire une bière. J'ai dit, notre amour, c'est pour de vrai. J'ai dit, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras. J'ai dit que ce n'était pas la fin du monde si tu ne venais pas avec moi. J'ai dit, je veux que tu sois sincère avec moi. J'ai dit que c'était quelque chose qui m'avait manqué. J'ai dit, il faut que tu me ranges dans un carton. J'ai dit, tout sera fini après ça. J'ai dit, viens t'allonger à côté de moi. J'ai dit que je serai toujours plus âgée que toi. J'ai dit, je ne comprends pas le concept de l'infidélité. J'ai dit que je comprenais. J'ai dit, je ne comprends pas les promesses que font les gens à ceux qu'ils sont censés aimer. J'ai dit que c'était un malentendu. J'ai dit, je t'aime. J'ai dit que j'avais envie de te frapper. J'ai dit que j'avais envie d'attacher un GPS à ton pied. J'ai dit que j'avais envie de coucher avec tellement plus de gens que je ne l'avais fait. J'ai dit que je me sentais vieille. J'ai dit que je me sentais préhistorique. J'ai dit que je me sentais comme un fossile. J'ai dit que je ne voulais pas te crier dessus. J'ai dit que j'avais couché avec plus d'hommes et de femmes que je ne l'avais réellement fait. J'ai dit que je t'appellerais avant de m'endormir. J'ai dit que j'avais des droits. J'ai dit que je ne voulais plus être responsable de toi. J'ai dit que je n'avais plus la force d'être sur un piédestal. J'ai dit que je me sentais patraque. J'ai dit... Ça suffit maintenant. J'ai dit que j'avais perdu le calcul du nombre de fois où tu m'avais trahi. J'ai dit, j'ai besoin d'une chambre à moi. J'ai dit que je voulais habiter avec toi. J'ai dit, je n'ai plus la force de t'aimer. J'ai dit, l'amour est un danger mortel. J'ai dit que tu étais banal. J'ai dit, l'amour, ça isole. J'ai dit, tu as fait ça parce que tu sais que je ne te quitterai jamais. J'ai dit, l'amour est un acte politique, car il est non productif. J'ai dit, tu es comme une rose. J'ai dit, l'amour est par définition exclusif et sélectif. J'ai dit, tu es une construction. J'ai dit, l'amour peut sauver le monde. J'ai dit que tu me rendais non productive. J'ai dit, l'amour, c'est toujours pareil, peu importe la personne qu'on aime. J'ai dit que tu m'enfermais. J'ai dit, l'amour peut faire tomber des murs. J'ai dit que ton amour, c'était ton problème à toi. J'ai dit, l'amour érige des murs. J'ai dit que tu étais comme de la colle. J'ai dit, l'amour, c'est l'enfer. J'ai dit que tu correspondais à toutes les métaphores. J'ai dit, l'amour, c'est chimique. J'ai dit que tu étais ennuyeuse en soirée. J'ai dit, l'amour, c'est du désir. J'ai dit, la vie à deux, c'est une prison. J'ai dit, l'amour, c'est une construction. J'ai dit, le mariage, c'est une prison. J'ai dit, l'amour, c'est une invention américaine. J'ai dit, la vie de famille finit tôt ou tard par te tuer. J'ai dit, l'amour qu'on porte à son enfant est inconditionnel. J'ai dit que nous avions conclu un accord. Un accord, j'ai dit. J'ai dit, l'amour est libéral. J'ai dit que la vie d'artiste entre toujours en conflit avec l'amour. J'ai dit, quand je meurs, je vais être réincarnée en toi. Comme ça, je pourrais m'aimer. J'ai dit qu'être aimé de manière inconditionnelle peut parfois te briser en mille morceaux. J'ai dit qu'aimer, c'est se briser en mille morceaux. J'ai dit, quand je serai au ciel, je veillerai sur toi. J'ai dit qu'aimer, c'est se briser en mille morceaux, et ensuite, devenir quelqu'un d'autre. J'ai dit, si je meurs, je veux que tu sois heureuse avec quelqu'un d'autre. J'ai dit, j'ai eu une amoureuse un jour. J'ai dit, quand je te regarderai du ciel, j'aimerais que tu pleures. J'ai dit, va jusqu'au bout de l'amour et tu arriveras à la haine. J'ai dit, putain de bordel de merde. J'ai dit, pardon. J'ai dit, putain de merde, espèce d'idiot. J'ai dit, à plus. J'ai dit, va-t'en. J'ai dit, salut. J'ai dit, va te faire foutre. J'ai dit, j'ai oublié un truc. J'ai dit, mais casse-toi, putain. J'ai dit, j'ai oublié les clés. J'ai dit, mais merde. J'ai dit, je n'arrive pas à les retrouver. J'ai dit, espèce de lâche. J'ai dit, s'il te plaît, demande-moi de rester. J'ai dit, espèce de tête de nœud. J'ai dit, j'ai nulle part où aller. J'ai dit, espèce de sale bite. Putain de merde, je te déteste. J'ai dit, si tu veux, je peux rester ici encore un moment. J'ai dit, va te faire foutre. J'ai dit, seulement si tu veux, quoi. J'ai dit, les relations à distance, ça ne marche jamais très bien. J'ai dit, ça va être comme ça alors, à partir de maintenant. J'ai dit, l'infidélité, ça a l'air d'être un truc assez courant chez les gens. J'ai dit, La distance est comme un terrible désert. Je n'ai pas dit des choses que j'aurais voulu te dire. Je n'ai pas dit des choses que je ne voulais pas te dire. Je n'ai pas dit des choses qu'on devrait dire. Je n'ai pas dit des choses qu'il faudrait absolument dire. Je n'ai pas dit des choses qui auraient été respectueuses. Je n'ai pas dit des choses qui auraient rendu la situation plus pénible. Je n'ai pas dit que je mentais, mais je n'ai pas non plus dit que je ne disais pas la vérité. Je n'ai pas dit que je comprenais très bien la différence entre vérité et mensonge. Entre vérité et mensonge. Je n'ai pas dit que, parfois, je ressens des choses tellement compliquées que j'ai envie de te frapper. Je n'ai pas dit que je deviens quelqu'un d'autre quand je suis avec toi. Je n'ai pas dit « maintenant, je te quitte ». Je n'ai pas dit « reviens ». Reviens. Je n'ai pas dit « tu me manques ». Je n'ai pas dit que j'avais tourné en rond pendant 3 heures la fois où il pleuvait et que j'espérais te voir arriver à vélo pour qu'on puisse enfin se crier dessus. Je n'ai pas dit que j'étais heureuse que tu quittes ma vie parce que je pouvais enfin me concentrer. Travailler, apprécier la compagnie d'autres personnes, me sentir bien dans mes baskets à nouveau. Je n'ai pas dit que j'étais heureuse que tu quittes ma vie parce que je pouvais enfin me concentrer, travailler, apprécier la compagnie d'autres personnes, me sentir bien dans mes baskets à nouveau. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit que si tu me l'avais demandé, je serais revenue. Je n'ai pas dit que tu avais raison quand tu disais que tu avais parfois l'impression de m'ennuyer. Je n'ai pas dit que je détestais ton rapport détendu à ton image. Je n'ai pas dit que je trouvais ça horrible de savoir que je t'avais fait du mal. Je n'ai pas dit que je me demandais parfois ce que tu faisais. Je n'ai pas dit que j'étais terriblement frustrée quand je ne savais pas où tu étais. Je n'ai pas dit que je me demandais parfois ce que je faisais. Je n'ai pas dit que j'avais embrassé d'autres personnes. Je n'ai pas dit que je connaissais mieux ton visage que le mien. Je n'ai pas dit que c'était tout ce que tu méritais. Je ne t'ai pas dit que tout était détruit. Je n'ai pas dit que je lisais en toi comme dans un livre ouvert. Je n'ai pas dit qu'on vivait comme dans une bulle. Je n'ai pas dit que tu étais la seule avec qui je pourrais me marier, le jour où je voudrais vraiment me marier. Je n'ai pas dit qu'on vivait comme dans un rêve. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas me marier. Je n'ai pas dit qu'on s'aimait tellement qu'on se détruisait. Je n'ai pas dit qu'on était condamné à mort. Je n'ai pas dit que je pensais seulement à toi quand on faisait l'amour. Je n'ai pas dit qu'à partir de maintenant, on était en guerre. Je n'ai pas dit que ma tendresse pour toi était si grande et évidente. Je n'ai pas dit que j'avais éteint mon téléphone. Je n'ai pas dit que ma tendresse pour toi était si grande et évidente qu'aucune partie de mon corps gelé ou de ma pauvre âme n'était jamais froide ou seule. Je n'ai pas dit que j'avais le vertige. Je n'ai pas dit que tout se passe dans ma tête. Je n'ai pas dit que je n'étais pas parfaite. Je n'ai pas dit que je ne m'amusais jamais autant qu'avec toi. Je n'ai pas dit que j'avais tout le temps peur de faire une gaffe devant toi. Je n'ai pas dit que ce que je préférais dans la vie, c'était de ne rien faire avec toi. Je n'ai pas dit qu'on était à deux doigts de s'embrasser ce week-end sur le pont. Je n'ai pas dit que quand je fermais les yeux, je te voyais devant moi. Je n'ai pas dit que je ne savais pas à qui tu t'adressais. Je n'ai pas dit que j'avais écrit une chanson pour ton anniversaire. Je n'ai pas dit où j'étais quand tu m'as appelé. Je n'ai pas dit que j'avais écrit une lettre que je ne t'ai jamais envoyée. Je n'ai rien dit quand j'y repense. Je n'ai pas dit que j'avais hâte de découvrir toutes ces nouvelles choses dont j'ai peur. Je n'ai pas dit que j'adorais ton rire. Je n'ai pas dit que je me sentais terriblement bête quand tu me posais une question. Je n'ai pas dit que tout ce que tu disais était intéressant. Je n'ai pas dit que tout ce que tu disais était intéressant. Je n'ai pas dit que tu me rendais si fière. Je n'ai pas dit que je ne rêvais jamais de toi. Je n'ai pas dit que je ne rêvais jamais de toi. Je n'ai pas dit que tu étais un merveilleux ami. Je n'ai pas dit que je t'avais fui. Je n'ai pas dit que tu étais mon meilleur ami. Je n'ai pas dit que je fumais parfois. Je n'ai pas dit que je ne pouvais pas vivre sans toi. Je n'ai pas dit que je n'étais jamais détendue quand tu étais à la maison. Je n'ai pas dit qu'il y avait de la nourriture dans le frigo. Je n'ai pas dit que j'étais comme sur des charbons ardents quand tu étais là. Je n'ai pas dit que la seule chose qui nous restait, c'est ce qu'on ne se dit pas. Je n'ai pas dit que je sursautais à chaque fois que tu mettais la clé dans la serrure. Je n'ai rien dit sur mes fantasmes. Je n'ai pas dit que j'entendais parfois des voix qui me disaient de te quitter. Je ne t'ai pas dit que tout fait partie d'un tout. Tu as dit que nous étions comme... Donald et Daisy. Tu as dit que nous étions comme... Woody et Mia. Tu as dit que nous étions comme... Simone et Jean-Paul. Tu as dit que nous étions comme... Cocteau et Marais. Tu as dit que nous étions comme... Jason et Médée. Tu as dit que nous étions comme... Harry et Sally. Tu as dit que nous étions comme... Bernard et Bianca. Tu as dit que nous étions comme... Stone et Chardin. Tu as dit que nous étions comme... Bill et Hilary. Tu as dit que nous étions comme... Blanche et Stella. Tu as dit que nous étions comme... Serge et Jane. Tu as dit que nous étions comme... France et Michel. Tu as dit que nous étions comme... Jacques et François. Tu as dit que nous étions comme... Adolphe et Eva. Tu as dit que nous étions comme... Adam et Ève. Tu as dit que nous étions comme... Harold et Maud. Tu as dit que nous étions comme... John et Coco. Tu as dit que nous étions comme... Kurt et Courtney. Tu as dit que nous étions comme... Bader et Ellison. Tu as dit que nous étions comme... John et Marie. Tu as dit que nous étions comme... Laetitia et Johnny. Que nous étions comme... Alice et Gertrude. Que nous étions comme... Winnie et Porcinet. Que nous étions comme... Garbo et Gilbert. Que nous étions comme... Paul et Eugène. La Belle et le Clochard. Esmeralda et Quasimodo. Tic et Tara et Michel. Nicolas et Carla. Vanessa. Kate et William. Thelma et Lou. Alfred et Jean-Jacques. Ross et Rachel. Rox et Rookie. Elton et David. Voici la voiture dans laquelle tu es venu me chercher. C'est ici que je t'ai frappé. Voici le pull que tu portais. C'est ici que j'ai mis un pansement sur ta plaie. Voici la coiffure que tu avais. C'est ici que tu as dormi sur mes genoux. Voici les titres des journaux de ce jour-là. C'est ici qu'on est resté silencieux. Voici la chanson que j'avais dans la tête. C'est ici qu'on a fait cette longue promenade. Voici le bus que j'ai pris pour venir te voir. C'est ici qu'on s'est tout dit. C'est ici qu'on a loué le camion. C'est ici qu'on a marché pour ne croiser personne qu'on connaissait. C'est ici qu'on a commandé notre voyage. C'est ici que j'ai glissé. C'est ici que tu m'as dit que tu n'avais jamais ressenti ça de ta vie. Et que c'était pas juste un truc que tu disais à tout le monde. C'est ici que j'ai dit que cet endroit aurait une grande importance pour nous. C'est ici que j'ai pris ta main. C'est ici que j'ai acheté notre voiture. Voici la rue où tu habitais. C'est ici que j'étais quand tu m'as dit que tu avais rencontré quelqu'un d'autre. C'est ici qu'on a rompu. C'est ici que j'ai dit que le cœur est un muscle. Voici la rue où tu habitais. C'est ici que j'ai lu ta lettre. C'est ici qu'on allait danser. C'est ici que j'ai compris que je ne pourrais jamais cesser de t'aimer. C'est ici que je t'ai pris dans mes bras pour que tu arrêtes de trembler. C'est ici que j'ai pensé à toi. C'est ici que j'ai remarqué que tu me regardais pour la première fois. C'est ici qu'on s'est crié dessus. C'est ici qu'on a échangé nos numéros. C'est ici que je me suis demandé si tu étais amoureux de moi. C'est ici que tu m'as fait un compliment sur mon jean. C'est ici que je t'ai embrassé pour la première fois. C'est ici que j'ai reçu ton premier texto. C'est ici que je t'ai vu pour la première fois. C'est ici que j'étais quand tu m'as appelé la première fois. C'est ici que j'ai décidé qu'on allait se revoir. Dans un an, les blessures seront guéries. Dans un an, je ne penserai plus à toi tous les jours. Dans un an, j'accepterai ton pardon. Dans un an, je me serai débarrassée de tous nos souvenirs. Dans un an, je pourrai écouter des chansons d'amour sans penser qu'elles parlent de nous. Dans un an, j'aurai jeté toutes les photos de toi. Dans un an, tout sera tellement plus simple. Dans un an, je me réveillerai le matin et je penserai que je suis heureuse. Dans un an, je pourrai entendre ta voix à nouveau sans devenir dingue. Dans un an, je pourrai regarder les autres couples et être heureux pour eux. Dans un an, je ne te reconnaîtrai plus. Dans un an, ma vie pourra recommencer. Dans un an, je n'aurai plus envie de te tuer. Dans un an, les arbres fleuriront et le fleuve coulera. Dans un an, le ciel sera bleu et les oiseaux chanteront. Dans un an, j'habiterai peut-être à nouveau chez ma mère. Dans un an, ce sera mon tour. Dans un an, je serai plus forte. Dans un an, j'aurai peut-être retrouvé de l'appétit. Dans un an, je serai plus fort. Dans un an, je ne serai plus amoureux dans de toi. Dans un an, je vais pouvoir me relever. Dans un an, j'aurai peut-être un petit chien tout mignon. Dans un an, j'aurai peut-être oublié à quel point j'allais mal il y a un an. Dans un an, j'aurai laissé tous ces sentiments derrière moi. Dans un an, tu auras tout regretté et tu seras revenu. Dans un an, je ne penserai plus que c'est la fin du monde. Dans un an, on aura payé toutes nos dettes. Dans un an, j'aurai réécrit l'histoire. Dans un an, j'aurai rencontré une autre personne qui m'aime. Dans un an, tout sera plus simple. Dans un an, je saurai m'occuper d'un jardin. Dans un an, je rentrerai chez moi avec un inconnu. Dans un an, je ferai le ménage. Dans un an, je serai allée en Asie et j'aurai découvert qui je suis. Dans un an, je prendrai une douche. Dans un an, je te supplierai de me reprendre. Dans un an, je ferai des courses. Dans un an, on s'embrassera à nouveau. Dans un an, on pourra peut-être parler d'une manière sobre de tout ça. Dans un an, je ne regretterai pas ce que j'ai perdu. Dans un an, on prendra peut-être un café ensemble. Dans un an, on se croisera peut-être en ville et on se dira salut. Salut. Salut. Dans un an, on se croisera peut-être en ville, et les amis avec qui je serai me demanderont qui tu es. Et je leur répondrai alors, une ex. Dans un an, tu seras un ex pour moi. Dans un an, je serai toujours en train d'espérer. Dans un an, j'aurai recollé tous les morceaux. Dans un an, ce sera trop tard. Dans un an, j'aurai ramassé toutes les miettes. Dans un an, la porte sera fermée. Dans un an, j'aurai passé l'aspirateur. Dans un an, je me demanderai si je t'ai vraiment aimé. Dans un an, je serai tellement dans belle. Dans un an, je serai tellement belle que ça te coupera le souffle. Dans un an, je me serai mise au sport. Dans un an, ça me fera bizarre de t'appeler. Dans un an, je dormirai bien la nuit. Dans un an, je serai certaine que tu m'as vraiment aimé. Dans un an, je ne serai peut-être plus dans en vie. Dans un an, je ne serai peut-être plus en vie. Dans un an, je t'enverrai peut-être un texto le jour de ta fête. Dans un an, je pourrai rire de tout ça. Dans un an, je serai en super forme. Dans un an, j'aurai fini de me balader la nuit. Dans un an, je n'aurai plus mauvaise conscience. Dans un an, j'aurai cessé de pleurer. Dans un an, j'aurai séché mes larmes. C'était True Love Will Find You in the End de Christiane Hallberg, en collaboration avec Anna Soleil Trigvadottir. Traduit du suédois par Camilla Boucher. Avec les élèves du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, promotion 2014. Pauline Deson, Kevin Garnicha, Jade Herbulot, Élise Lomo, Martin Nikonoff, Barbara Probst, Antoine Reinhardtz, Loïc River, Marie Sambour, Sarah Jane Sauvegrin, Frédéric Sihuen, Anaïs Thomas, Bachir Tlili. Musique originale, Seyset. Conseillère littéraire, Laurence Courtois. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Bastien Varigo. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Laure Egorov.